Découvrez Unité 8 de sang, un thriller d'espionnage écrit par un ancien membre des services secrets israéliens. Entre Paris et Tel Aviv, entre Washington et Macao, un commissaire français, un commando chinois, un officier israélien désabusé et son adjointe tenace vous feront vivre 24 heures intenses. Unité 8200 de Dovelfon, un thriller d'espionnage dangereusement réaliste, maintenant en poche chez Folio Policier. Vous ne consulterez plus jamais votre téléphone comme avant. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de la guerre des six jours au mois de juin 1967. Entre le 5 et le 10 juin de cette année-là, Israël se retrouve engagé dans une guerre totale avec ses voisins, égyptiens, jordaniens, syriens. À la suite d'une violente escalade verbale et militaire menée par Nasser, président égyptien de la République arabe unie et leader du monde arabe, la puissante armée de l'État hébreu enchaîne les victoires aussi rapides que spectaculaires. En six jours seulement, moins d'une semaine, l'État hébreu met les armées arabes hors d'état de nuire, quadruple la taille de son territoire et augmente sa population de près d'un million de personnes. Succès total. Incroyable opportunité également de récupérer le contrôle de Jérusalem-Ouest et de la ville sainte d'abord, mais aussi pour exister face à ses voisins qui jusqu'ici refusaient l'idée même d'un État juif au cœur de leur espace géopolitique, qui plus est, un État démocratique au milieu d'un océan de régimes autoritaires. Notre invité aujourd'hui, Frédéric Ancel, professeur de relations internationales, spécialiste des questions liées au Moyen-Orient. Son dernier livre, Les 100 mots de la guerre, dans la collection Que sais-je, sort aujourd'hui même. Question de timing. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Gaspard Valu, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. En ce 7 juin 1967, un soleil intense illumine le ciel de la vieille ville de Jérusalem. Après avoir été déchiré par 48 heures de violents combats, l'atmosphère prend une tournure spirituelle. Devant les caméras du monde entier se joue alors une scène qui aujourd'hui encore reste gravée dans les mémoires de tout le peuple israélien. En cette fin d'après-midi, le général Moshe Dayan, ministre de la Défense, et Yitzhak Rabin, chef d'état-major des armées, deux militaires furieusement charismatiques, surtout le premier avec son bandeau légendaire sur l'œil gauche, passent la porte des lions. Ensemble, ils pénètrent dans l'enceinte du mont du Temple, au cœur de la ville sainte de Jérusalem. Ces prières, supplications et psalmodies, ce sont celles de militaires de religieux israéliens venus se recueillir devant le plus sacré des lieux saints du judaïsme, le mur des Lamentations. Cela fait 19 ans que les autorités et le peuple juif attendent ce moment. Perdu au profit de la Jordanie lors du conflit de 1948 qui a opposé Israël à ses voisins arabes, la vieille ville de Jérusalem est désormais sous le contrôle de Tsahal, l'armée israélienne. Et face au monde, les deux généraux font la promesse que plus jamais Israël n'abandonnera la ville sainte. Pourtant, rien ne laissait présager un tel événement, rien ne permettait d'espérer une telle reconquête. Au contraire même. Trois jours plus tôt, la situation paraissait encore figée. Le gouvernement israélien, dirigé par le travailliste Levi Eshkol, tentait alors de préserver un équilibre régional plus que précaire. Car depuis 1956 et la crise du canal de Suez, aucun conflit réel n'est venu secouer la région. Certes, quelques heurts ont éclaté au nord du pays, à la frontière syrienne, mais un calme relatif subsiste. Et c'est à tout prix que Levi Eshkol tente de le préserver. C'est en réalité de l'Égypte qu'est arrivé cet incroyable retournement de situation. Depuis plusieurs semaines, l'immense République arabe unie, Égypte, Syrie et Yémen pour un temps, un attelage éphémère dirigé par le colonel Nasser, n'a de cesse d'invectiver Tel Aviv. Rapidement, ses prises de parole se font plus provocantes, plus menaçantes. Et avec des alliances militaires et des mouvements de troupes stratégiques, Nasser lit les actes à la parole. C'est le 30 mai 1967 que cette escalade atteint le point de non-retour. Ce jour-là, le colonel Nasser prononce un discours devant un parterre de journalistes venus du monde entier. Ces menaces ne sont plus voilées. L'objectif est clair, détruire Israël, une obsession arabe, déjà. Le président Nasser a confirmé dans un discours sa fermeté, un discours que Pierre Etienne, notre correspondant au Caire, a écouté. Si Israël commet un acte d'agression quelconque contre la Syrie ou l'Égypte, la lutte contre ce pays sera une lutte totale. Notre objectif fondamental sera la destruction d'Israël. En prononçant ces paroles devant une délégation des travailleurs arabes, le président Nasser a confirmé hier soir la ferme détermination de la République arabe unie. Le président Nasser a également confirmé que la situation a fondamentalement changé depuis 1956 et que la République arabe unie se sent désormais en position de force car l'Égypte et la Syrie ne sont plus seules. Elles ont reçu un appui militaire décisif de l'Irak, de l'Algérie et du Koweït. Depuis la crise du canal de Suez en 1956, le colonel Nasser attend sa revanche. Cette guerre éclair, menée par les Français, les Anglais et les Israéliens pour empêcher la nationalisation du stratégique canal, tourne au fiasco militaire pour le dirigeant égyptien. Mais grâce à l'intervention des États-Unis et de l'URSS, il parvient à transformer cette défaite militaire en succès politique. Ainsi, garde-t-il le contrôle sur Port Saïd et sur le canal de Suez, mais surtout, sa posture internationale prend de l'ampleur. C'est bien lui le leader incontesté du monde arabe. Patiemment, il prépare son retour. Dans ce contexte tendu, il ne faut qu'une allumette pour embraser le Proche-Orient. Et cette mèche, c'est à la frontière syrienne qu'elle s'enflamme. Le 7 avril 1967, au petit matin, l'artillerie syrienne perchée sur les hauteurs du Golan, un haut plateau aux frontières nord d'Israël, pilonne les kibbutz situés en contrebas. Immédiatement, l'aviation israélienne détruit les positions syriennes et effectue un survol menaçant sur Damas. Cet incident, qui aurait pu rester sans conséquence, réveille pourtant le colonel Nasser. Le dirigeant égyptien prend la défense de son allié syrien et entame une campagne d'intimidation. Durant plus d'un mois, il invective Tel Aviv, il mobilise sa population et les manifestations contre Israël sont de plus en plus nombreuses et surtout de plus en plus violentes. Le 14 mai, jour de la célébration de l'indépendance de l'État hébreu, le Raïs avance ses premiers pions. Alors qu'une partie de ses forces est engagée au Yémen, il mobilise son armée de réserve et commence à déplacer ses troupes dans le Sinaï. Plus de 80 000 hommes traversent le canal de Suez et marchent à travers l'immense péninsule désertique avec la frontière israélienne pour objectif. Trois jours plus tard, lors d'un entretien avec le secrétaire général de l'ONU, Outante, Nasser exige le retrait des casques bleus en place depuis la crise de 1956. Une requête acceptée, à la surprise générale, sans l'ombre d'une négociation. Face à cette montée des tensions, le gouvernement de Lévi Eshkol tente de jouer la carte de l'apaisement et se contente de quelques condamnations. Mais le 22 mai, l'issue de cette crise se précise inéluctablement. Depuis le port stratégique de Sharm el-Sheikh, au sud du Sinaï, la marine égyptienne impose au blocus un navire israélien sur le détroit de Tiran et le golfe d'Aqaba. Situé au fond de ce golfe, le port d'Elat, bien avant de devenir cette ville sans âme pour touristes en mal de soleil, est hautement stratégique pour Israël. Il s'agit de la porte d'entrée du pays pour les importations d'hydrocarbures et sa voie de communication principale vers l'Asie. Avec ce blocus, Israël se retrouve donc isolé et risque de ne pas pouvoir tenir longtemps. La situation se tend alors un peu plus, comme le raconte un journaliste de l'ERTF présent sur place. Branle-bas de combat au Moyen-Orient. Les yeux sont fixés sur Eilat, au fond du golfe d'Aqaba. En face, à quelques kilomètres, c'est la Jordanie et Aqaba, où de nombreux renforts seraient arrivés. Eilat, c'est la seule porte d'Israël vers la mer Rouge. En bloquant l'entrée du golfe, l'Égypte condamne Israël à l'étouffement. En attendant, tous les Israéliens qui ne sont pas nécessaires à la défense du territoire quittent Eilat pour des régions moins exposées. Car jamais, depuis 10 ans, la situation n'a été aussi tendue dans cette partie du monde. C'est vrai, la carte abattue par Nasser est périlleuse. Car ce blocus imposé dans le golfe d'Aqaba est un casus belli pour Israël. Et le dirigeant égyptien le sait très bien le jour même. Il déclare « Le blocus de Sharm el-Sheikh signifie l'affrontement avec l'État d'Israël. Nous devons être prêts à une guerre totale avec lui. » Pourtant, le gouvernement israélien cherche à tout prix à éviter le conflit avec l'immense armée de Nasser. Et c'est par la voie diplomatique que son gouvernement tente de régler cette crise. Entre le 24 et le 26 mai, Abba Eban, le ministre des Affaires étrangères israélien, effectue une tournée éclair des capitales occidentales. Il se rend d'abord à Washington, protecteur historique de son pays. Mais le président Johnson refuse d'apporter son soutien à Israël. C'est tout juste s'il consent à tenter de rétablir la navigation des navires israéliens dans le golfe d'Aqaba, mais sans aucune promesse de succès. Englués au Vietnam, les États-Unis ne veulent pas d'un nouvel affrontement avec le bloc de l'Est. Et c'est pour éviter un conflit que, pour la première fois, le téléphone rouge mis en place entre Washington et Moscou se met à sonner. Le secrétaire d'État américain contacte le ministre des Affaires étrangères soviétique. Ensemble, ils se mettent d'accord pour ne rien faire. Et Abba Eban ne trouve pas plus de soutien auprès de Londres et Paris, où le général de Gaulle dira « 1967 n'est pas 1957. La crise du canal de Suez est derrière nous. Circulez. » C'est donc désabusé que Abba Eban rentre en Israël. Le gouvernement de Tel Aviv est désormais seul face à l'armée d'Anasser, toujours aussi certain de ses forces, et qui continue d'installer ses blindés le long de la frontière avec l'État hébreu. Le 30 mai, la crise prend une nouvelle tournure. À la surprise générale, l'Égypte annonce la signature d'un nouvel accord militaire avec un allié de poids. Effectivement, le roi Hussein de Jordanie, à la surprise générale, venait rencontrer au Caire le président Nasser. Une réconciliation spectaculaire du souverain hachémite et du raïs qui signait un pacte d'alliance faisant passer les forces jordaniennes sous commandement arabe unifié. La réalisation de l'unité arabe au Proche-Orient suscita en Jordanie un vif enthousiasme. Les volontaires affluaient dans les camps et recevaient rapidement l'instruction indispensable. Avec la République arabe unie, la Syrie et l'Irak, les nations arabes pouvaient compter sur un effectif d'environ 400 000 combattants. Cet accord militaire constitue un retournement de situation dans l'équilibre géopolitique régional. Car depuis plusieurs années, le roi Hussein de Jordanie tente d'apaiser ses relations avec Israël, avec qui il partage la stratégique partition de Jérusalem. Surtout, il conteste le leadership de Nasser sur le monde arabe. Mais avec 10% de sa population constituée de réfugiés palestiniens, installés en Cisjordanie, un territoire conquis en 1948 et revendiqué par l'Organisation de Libération de la Palestine, il n'a pas d'autre choix que de s'allier au président égyptien. Sans cela, il risque la révolte d'un peuple qui ne pourra pas accepter son refus de s'engager. Une bombe à retardement, cette population palestinienne et ses leaders politiques pour la Jordanie. Une situation qui débouchera 3 ans plus tard sur l'un des événements les plus importants de l'histoire du Proche-Orient, Septembre Noir. Mais c'est une autre histoire, même si c'est la même histoire, finalement. Désormais, en 1967, la totalité des pays qui ont une frontière avec Israël lui sont ouvertement hostiles. Dans ce contexte, l'issue de cette crise ne fait plus de doute. Et la puissante alliance militaire dirigée par l'Égypte donne des ailes aux alliés de Nasser. À l'image du président de l'OLP de l'époque, Ahmed Choukairi, un sombre personnage installé à son poste en 1964 par Nasser lui-même et qui ne cache plus les velléités belliqueuses du monde arabe. Monsieur le Président, est-ce que vous croyez que la guerre va éclater ? La guerre, c'est la guerre. Nous sommes avancés pour la guerre chaque moment. Mais vous pensez qu'elle va éclater ? Je pense la guerre, il vient. Est-ce que, d'après vous, les possibilités de discussion avec Israël sont nulles ? Cette possibilité n'existe pas. Il n'y a pas une possibilité pour négociation ou discussion avec Israël. Jamais. La première chose, la libération de notre pays. Qu'est-ce que vous appelez exactement libération ? Libération, c'est émancipation de notre pays et la destruction d'Israël comme État. Comme ça, c'est clair. Face à une tension qui ne semble pas redescendre, mais aussi et surtout face à une population qui prend peur. Les vieilles écoles, le travailliste qui cherche depuis des mois à éviter la guerre, annonce finalement le 1er juin 67 la formation d'un gouvernement d'union nationale. Il abandonne le portefeuille de la défense au profit de Moshe Dayan, un général des guerres de 48 et 56. Sans soutien extérieur, Israël n'a que 2 choix. Ne rien faire en espérant que la tension retombe, ou bien appliquer une doctrine militaire bien connue, la meilleure défense est l'attaque. Ainsi, les armées arabes vont voir ce qu'il en coûte de s'attaquer à Israël, doté d'une armée d'élite, Tsahal, pilier, mythe fondateur de son existence, aux ordres d'un pouvoir civil et démocratique. Le 4 juin au soir, après 3 mois de fortes tensions, décision est prise lors d'un conseil de défense exceptionnel. Le gouvernement israélien décide d'attaquer Nasser dans Sinaï. Le 5 juin 1967, la guerre débute. À l'aube, l'ordre est donné à l'aviation israélienne d'attaquer les positions égyptiennes et faire tomber le rideau qui se dresse à la frontière du Sinaï. La priorité absolue est donnée à la destruction de l'aviation ennemie. La guerre a éclaté ce matin au Proche-Orient. Les choses ont été en s'aggravant de plus en plus tout au long de la matinée. Tout a commencé, vous vous en souvenez si vous avez écouté France Inter, tout a commencé aux premières heures du jour entre Israël et la République arabe unie. Mais à présent, tous les pays arabes, comme ils s'y étaient engagés d'ailleurs, tous les pays arabes soutiennent effectivement, militairement, les Égyptiens. Les combats sont engagés, bataille au sol avec les chars et l'artillerie, bataille aérienne surtout. Les Israéliens assurent que plus de 150 avions égyptiens déjà ont été abattus et les Égyptiens, eux, revendiquent déjà la mise hors de combat de 70 avions israéliens. L'offensive aérienne d'Israël est déclenchée à 7h45. La quasi-totalité de la flotte de Mirage de Tsahal décolle en direction de l'Égypte, avec seulement 12 avions d'interception stationnés sur le territoire israélien pour répondre à une éventuelle contre-attaque. Et malgré les déclarations des autorités égyptiennes qui affichent une confiance déroutante, c'est bien Tsahal qui remporte la première victoire. En seulement 3 heures et près de 500 sorties, les Mirage 3 israéliens, vendus par la France, anéantissent l'aviation de la République arabe unie. Près de 300 des 340 appareils égyptiens sont détruits avant d'avoir même pu décoller. Seulement 3 heures après le début de la guerre, la coalition arabe a déjà perdu la totalité de son appui aérien. Après ce raid spectaculaire, Moshe Dayan lance l'assaut sur le Sinaï. 70 000 soldats israéliens franchissent la frontière. La première ligne égyptienne est taillée en pièces. Au terme de la première journée de guerre, de très nombreux soldats arabes sont tués ou capturés. Beaucoup tentent de fuir en abandonnant armes et uniformes. Le 7 juin au matin, 2 jours après le déclenchement des combats, la progression éclair des Israéliens se poursuit. Ce jour-là, au cœur du Sinaï, se joue l'une des plus grandes batailles de blindés de l'histoire militaire. Avec plus de 1000 chars de chaque côté, le combat est féroce, terriblement violent. Et c'est encore Israël qui en ressort vainqueur. Ce qui reste des troupes égyptiennes tente de se replier derrière le canal de Suez. Le même jour, Tsahal reprend la bande de Gaza et un commando de parachutistes appuyé par une frégate s'empare de Sharm el-Sheikh et rétablit la navigation dans le golfe d'Aqaba. Au soir du 3e jour de guerre, le bilan ne fait plus de doute. Les troupes israéliennes ont atteint les objectifs qu'elles s'étaient fixés. Les troupes égyptiennes occupent une seconde ligne de défense, c'est ce que l'on dit au Caire. Pierre Ropsis, il conviendrait peut-être de faire le point de la situation militaire sans plus tarder. Eh bien, pour faire tout de suite le point de cette situation militaire, d'abord, du côté israélien, nous appelons André Semama de Jérusalem. Un bilan schématique de la situation militaire permet de tirer les grandes lignes suivantes. Le Sinaï est, dans sa quasi-totalité, occupé. Le détroit de Tiran est de nouveau ouvert à la libre navigation. En 60 heures de guerre, Israël a détruit le potentiel militaire de ses ennemis les plus dangereux. L'armée égyptienne et la légion jordanienne ont été brisées. L'aviation égyptienne a été détruite dans les 3 premières heures de la guerre. Mais malgré l'écrasante victoire d'Israël sur ses troupes, humiliées, disséminées façon puzzle, Nasser refuse tout cesser le feu. Les autorités égyptiennes n'admettent toujours pas l'évidente défaite. Depuis le début des opérations, d'ailleurs, le président égyptien continue de marteler que son armée enchaîne les succès décisifs. Tels sont les pouvoirs autoritaires, ils gouvernent par le mensonge, bien alimentés par les militaires eux-mêmes, qui disent à leur président que tout ne va pas si mal sur le terrain. Bref, tout ce que le chef veut entendre. Si bien que, durant les 3 premiers jours de la guerre, Radio Le Caire, relais stratégique de Nasser dans le monde arabe, abreuve en fausses informations des alliés qui, anéantis depuis les raids aériens d'Israël, ne peuvent plus communiquer avec l'Égypte. Mais au-delà de ce déni, c'est la violence de la défaite qui interpelle les observateurs. Comment cette immense armée, officiellement redoutée par les Israéliens, s'est-elle aussi rapidement délitée? En réalité, Nasser n'a pas pris la mesure de l'état de ses troupes. Aucune manœuvre majeure, même à titre d'entraînement, n'a été réalisée depuis 10 ans. Certes, la flotte aérienne est, du moins, était impressionnante, mais fait rare dans l'histoire militaire, elle disposait de moins de pilotes que d'avions. Et que dire des milliers de chars qui n'étaient plus entretenus? Et ce n'est pas tout. En 1967, pour préparer la guerre, les Égyptiens manquent cruellement de renseignements. Un exemple édifiant. Il ne dispose que d'une vieille série de photos d'installations militaires israéliennes. Elles ont plus de 15 ans. Et lorsque l'état-major égyptien envoie un avion de reconnaissance photographier le port d'Eilat, l'équipage se trompe et rapporte des clichés du port d'Aqaba, en Jordanie, situé à quelques kilomètres à peine du port israélien. Incompétence notoire qui transforma l'opération de Nasser en fiasco retentissant. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelite, sir. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Sensible, Fabrice Drouel. Alors que les chars de Tsahal progressent à grande vitesse dans le sud à travers le désert du Sinaï, les autorités israéliennes doivent faire face à l'ouverture d'un nouveau front, à l'ouest cette fois. Sur le front jordanien, c'est à Jérusalem que se déroulent les combats les plus violents. La partie arabe de la ville est aux mains d'Israël. En fin d'après-midi, Radio Amman annonçait que les forces jordaniennes poursuivaient leur lutte désespérée pour défendre Jérusalem et les villages arabes de ce secteur. Au nord de Jérusalem, la ville de Jenin est occupée par l'armée israélienne. Jenin, un point stratégique qui commande l'accès aux rives du Jourdain. La prise de cette place forte par les Israéliens est démentie par Amman, qui mentionne seulement une grande bataille de blindés dans ce secteur. Jusqu'au dernier moment, les autorités israéliennes ont tout essayé pour éviter l'ouverture de ce front à l'ouest. Le roi Hussein de Jordanie a reçu l'assurance de Tel Aviv qu'il ne serait pas attaqué si ses troupes ne passaient pas les frontières. Mais la pression est trop grande pour le souverain hachémite. Pressé par le Caire, il n'a pas d'autre choix que de lancer l'offensive. Le 5 juin, peu après le début des combats au sud, la légion jordanienne, sous commandement égyptien, prend le contrôle du siège des Nations Unies à Jérusalem. Puis l'artillerie commence à pilonner le quartier juif de la ville sainte. Et c'est sous le feu des obus que les forces arabes avancent vers la frontière et vers Jérusalem-Est. Mais sans le soutien aérien de l'Égypte, les troupes jordaniennes subissent une violente contre-attaque. Et finalement, c'est partout en Cisjordanie, cette bande de terre entre le Jourdain et la frontière israélo-jordanienne, que Tsahal fait reculer les troupes de la Légion arabe. Sans moyen de communication, une fois de plus, l'état-major jordanien est trompé par les faux messages de victoire égyptiens diffusés par Radio Le Caire. L'armée du roi Hussein est en déroute. Installé dans son bureau à Amman, le roi de Jordanie reçoit peu à peu les nouvelles du front. Elles sont désastreuses. Mais les canaux officiels égyptiens persistent et revendiquent toujours une grande victoire du monde arabe sur Israël. Alors, pour en avoir le cœur net, le roi embarque dans une jeep militaire avec son seul chauffeur et décide de se rendre sur les hauteurs du Jourdain, à une vingtaine de kilomètres de là. Perché au-dessus de la ligne de front, il peut voir de ses propres yeux ce qui se passe, et cette fois, réellement. Un souvenir qu'il racontera plus tard dans ses mémoires. Je n'oublierai jamais cette vision hallucinante. Des routes encombrées de camions, de jeeps et de toutes sortes de véhicules cabossés, déchiquetés, déformés, encore fumants, d'où émanait une odeur de métal calciné par les bombes. Une odeur infecte, de poudre, reconnaissable entre mille. Au milieu de ce charnier, par petits groupes, 30 ou 40 hommes erraient, épuisés. Ils essayaient de se frayer un passage sous les bombes des escadrilles des Mirages israéliens qui déchiquetaient le ciel sans nuages, d'un bleu limpide. Mais le cœur de la bataille sur le front de l'Ouest est bien la conquête de Jérusalem. Perdue par Israël et divisée en deux depuis la guerre de 48, cette guerre est l'occasion inespérée de reprendre la main sur la partie de la ville où, là où se trouve le mont du Temple et les lieux saints du judaïsme. C'est Osin Narkis, un commandant, héros des guerres de 48 et 56, qui dirige les unités parachutistes qui doivent mener l'assaut final. Pour lui, c'est une délivrance. Cela fait plusieurs jours qu'il attend qu'on lui en donne l'ordre. Il fait partie de la dernière unité à avoir abandonné à l'ennemi le mur des lamentations lors de la précédente guerre, alors. Le 7 juin au matin, les parachutistes israéliens sont tout proches de la ville. Le combat avec la légion jordanienne est intense. Une véritable guérilla urbaine a lieu dans les rues de Jérusalem. Mais petit à petit, les forces israéliennes progressent. Bâtiment par bâtiment, elles font reculer les unités ennemies. Finalement, au bout de 48 heures, et après avoir abattu le dernier sniper jordanien en place sur les hauteurs de la vieille ville, les unités dirigées par Osin Narkis pénètrent dans l'enceinte du mont du Temple, le cœur de la vieille ville de Jérusalem. La prise de Jérusalem par les Israéliens représente plus qu'une victoire militaire, c'est aussi une victoire sentimentale importante. Les combats ont été extrêmement violents, au corps à corps, à l'arme blanche, et des deux côtés, les pertes sont considérables, d'autant que les deux secteurs de Jérusalem se trouvaient sous le feu de l'artillerie. Notre reporter Pierre Lantenac, avec le micro de France Inter, est entré cet après-midi dans Jérusalem. C'était le seul journaliste français à le faire. J'ai été le premier journaliste français à pénétrer dans la Jérusalem jordanienne. Mais revenons en arrière. En début d'après-midi, Jérusalem avait son visage de guerre, rue déserte et fracas des armes. J'ai vu un colonel israélien embrasser ses hommes. Il m'a embrassé aussi en me parlant en hébreu. Je ne parle que français. Alors, il a froncé le sourcil. Il m'a envoyé une bourrade. Je suis heureux. Il y a 19 ans que je rêvais d'entrer dans Jérusalem. Il a hésité. Je vous aime bien. Vous avez de merveilleux avions que nous savons bien piloter. Et puis, il a éclaté de rire. Soulagé par cette victoire, Osin Narkis savoure ce moment à la fois espéré et inespéré par tout le peuple juif. Rejoint par Moshe Dayan et Yitzhak Rabin, c'est aussi à cet instant qu'il saisit la gravité de la période qui s'ouvre pour Israël. Car avec la prise de la vieille ville de Jérusalem, l'État juif prend le contrôle du troisième lieu saint de l'islam, la mosquée Al-Aqsa, à quelques mètres à peine du mur des Lamentations. Dans l'euphorie de la victoire, les soldats hissent le drapeau blanc et bleu d'Israël sur le majestueux dôme doré de la mosquée. Immédiatement, Moshe Dayan, le ministre de la Défense, ordonne de le retirer, soucieux de ne pas envenimer une situation déjà extrêmement tendue. D'ailleurs, cet épisode aurait pu prendre une tournure autrement plus dramatique. Osin Narkis racontera plus tard que Shlomo Goren, le grand rabbin de l'armée israélienne, est venu le voir pour lui demander de placer des charges explosives sous la mosquée. Une requête qu'Osin Narkis refuse évidemment, conscient sûrement de la nécessité de préserver ce lieu saint d'Islam. Et le 8 juin, le bruit des canons cesse sur presque tous les fronts. Nasser signe un cessez-le-feu avec Israël, peu de temps après celui signé par le roi Hussein. Les 9 et 10 juin, quelques heures à peine avant l'entrée en vigueur de l'arrêt des hostilités voté à l'ONU, les troupes israéliennes profitent de quelques escarmouches à la frontière syrienne pour s'emparer du plateau du Golan. Et ainsi, le 10 juin, la guerre est terminée. Israël, l'Égypte, la Syrie et la Jordanie ont tous accepté l'arrêt des combats. En 6 jours, l'État hébreu est parvenu à desserrer l'étau arabe et à détruire le potentiel militaire de ses ennemis. Mais avec cette guerre, Israël a aussi conquis de vastes territoires, quadruplant la surface contrôlée par ses forces armées. Par voie de conséquence, cette guerre éclair est un coup dur infligé au colonel Nasser, fatal même. car c'est bien lui le perdant. C'est lui qui a déclenché l'escalade verbale et militaire qui a précédé le conflit. C'est lui également qui a entraîné l'ensemble des pays arabes dans cette guerre que tout militaire aguerri aurait dû savoir perdu d'avance. Le 9 juin, au lendemain du cessez-le-feu signé entre l'Égypte et Israël, et face à une défaite sans précédent dans l'histoire militaire, le président de la République arabe unie prend une décision radicale. C'est la confusion au Caire, nous vous l'avons dit depuis quelques minutes en direct sur l'antenne, en interrompant le programme des variétés. C'est la confusion après l'annonce de la démission du président Nasser. Il y a eu des raids aériens au-dessus du Caire, alors que la foule était dans la rue et manifestait, on entendait des coups de feu. En tout cas, la démission du président Nasser a plongé le monde dans la stupéfaction. Le président Nasser et son ministre de la Défense démissionnent. Le chef d'État égyptien l'a révélé cet après-midi dans un discours radiodiffusé. Il avait l'air grave, le ton calme. Écoutez. Voilà. Avec cette phrase, le monde apprenait jusqu'où allaient les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Lorsque l'allocution du président Nasser, retransmise intégralement par Radio Le Caire, a été terminée, le speaker qui devait annoncer la suite du programme a éclaté en sanglots. Humilié, Gamal Abdel Nasser décide donc de démissionner. Mais face aux immenses manifestations déclenchées dans le pays, il reste finalement au pouvoir. Son aura en a quand même pris un sérieux coup. Et si son pouvoir prend une tournure de plus en plus autoritaire, et s'il continue d'influer sur le sort de Gaza et de la Jordanie, il n'est plus le leader incontesté du monde arabe, où d'autres puissances commencent à faire entendre leur voix. Et malgré la résolution dite des trois noms, votée lors du sommet de la Ligue arabe à Khartoum en septembre 1967, qui prévoit le non à la paix, non à la reconnaissance d'Israël et non aux négociations avec lui, ce conflit a finalement permis à Israël d'exister. L'État hébreu devient ainsi totalement incontournable sur la scène régionale. C'est lors du vote pour l'adoption de la résolution 242 de l'ONU le 22 novembre 1967 que les premiers contours d'un compromis doivent être dessinés. Pourtant, ce texte, censé établir les bases du règlement du conflit, reste trouble. Les différentes interprétations possibles entre les versions anglaises et françaises jettent un flou. Selon la version française, Israël se voit ainsi contraint de restituer les territoires conquis. Mais selon la version anglaise, l'État hébreu doit restituer des territoires, lesquels on ne sait pas. Un flou qu'explique Shimon Peres, interviewé quelques jours plus tard par la télé française. La résolution des Nations Unies, c'est seulement, si vous voulez, quelques lignes assez générales. On parlait là sur les frontières sûres et garanties. Et garanties. Mais où on peut trouver ces frontières? Dans la résolution, vous ne trouvez pas aucune carte. Il faut discuter, il faut négocier. Et Nasser il continue à dire qu'il n'est pas prêt de rencontrer des Israéliens du tout. Ce texte, qui en cherchant à contenter tout le monde parvient à froisser l'ensemble des acteurs classiques, reste pourtant une base de négociation. Même si l'Égypte de Nasser refuse toujours de discuter, c'est bien à partir de cette résolution de l'ONU que les relations vont peu à peu se normaliser entre Israël et ses voisins égyptiens et jordaniens. À la suite du décès de Nasser, un traité de paix est négocié en 1978 avec l'Égypte. Un autre suit entre Tel Aviv et Amman en 1994. Cette guerre, qui n'aura duré que 6 jours, donc, aura eu un immense impact sur l'évolution des géopolitiques régionales. La défaite de l'Égypte et le délitement de la République arabe unie du colonel Nasser ont ouvert la porte à une autre puissance régionale, l'Arabie saoudite. Avec l'émergence de cette monarchie pétrolière, le socialisme arabe dont Nasser était le leader incontesté disparaît au profit d'une doctrine religieuse qui s'imposera en quelques décennies seulement sur l'ensemble du monde arabe. Mais ce conflit aura aussi laissé des traces indélébiles dans les relations entre l'État hébreu et ses voisins. Car la victoire est à double tranchant. La victoire probante, certes, assure à Israël un rôle prépondérant dans la région que ses voisins ne peuvent plus ignorer. Mais elle constitue également un précédent de conquête qui aujourd'hui pose encore question lorsqu'Israël acquiert de nouveaux territoires. 7 ans plus tard, les mêmes pays arabes attaqueront Israël pendant les fêtes et célébrations du Kippour. Et là encore, l'Égypte et la Syrie sont défaites. Mais de ce conflit, naîtra la crise pétrolière dont nous payons aujourd'hui encore les conséquences économiques. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la guerre des séjours, dont nous allons parler avec Frédéric Ancel. Bonjour. Bonjour. Professeur de relations internationales, spécialiste des questions proche-orientales. Monsieur le spécialiste, dans cette synthèse de cette guerre que nous avons présentée, je n'ai pas beaucoup parlé de la Syrie et du Golan. Quel était le rôle de ce conflit dans le conflit ? La Syrie a tenté de courir après la victoire, ou d'aller secourir la victoire, puisque vous l'avez très bien dit à plusieurs reprises, Nasser mentait simplement parce que ses généraux lui avaient menti, et il préférait raconter qu'il remportait de très grandes victoires militaires, de façon à ne pas décourager ses deux alliés, jordaniens et syriens, situés donc de l'autre côté du front, et dont il avait cruellement besoin qu'ils entrent en guerre. Seulement, ce qu'ont fait les Syriens, qui étaient situés, là aussi vous l'avez rappelé, sur un plateau stratégique intéressant, donc celui du Golan, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pilonné l'équipe kibboutz de situés en contrebas, sans réellement envoyer de troupes. De la manière, de façon à ce que si le Nasser effectivement remportait la guerre, les Syriens se retrouvaient à la table des négociations inter-arabes pour croquer le plus de territoire israélien possible. Et puis, si c'était pas le cas, au fond, ils restaient sur leur plateau. Et de ce point de vue-là, les Syriens ont été considérés pendant la guerre et juste après comme des traîtres, notamment par les Égyptiens, parce qu'ils ne sont pas intervenus, comme des faibles, bien évidemment. Et sur le plan strictement stratégique, on a eu affaire à quelque chose de très intéressant, parce que jusqu'au moment où je vous parle, ce plateau appartient toujours à Israël. D'ailleurs, il a été annexé par l'État d'Israël le 14 décembre 81, pour une raison non pas identitaire ou religieuse, mais strictement géopolitique. Territoriale. Territoriale, bien sûr, puisque c'est un véritable château d'eau, et que sur le plan de la déclivité, vous avez évidemment un glacis protecteur de la Galilée qui se trouve en contrebas. Alors la question qu'on se pose, et il pourrait y avoir un parallèle, les comparaisons sont un peu toujours aventureuses, mais Nasser n'a pas pris la mesure de ce qu'était son armée, n'a pas pris la mesure de ce qu'était Tsahal, peut-être un peu comme Saddam Hussein lors de la première guerre du Golfe. Souvenez-vous, on disait mais son armée est puissante, ça va être dur, bon il y a eu quelques scuds. Est-ce qu'il y a là encore un défaut de renseignement ? Alors il y a eu un défaut de renseignement sur les capacités militaires israéliennes, ça c'est sûr. Il y a eu un défaut de renseignements sur la détermination des Israéliens. Ça aussi, c'est une autre certitude. Et là aussi, avec raison, vous avez rappelé que Levi Eshkol, le premier ministre israélien, jusqu'à la fin du mois de mai, c'est une colombe et il cherche à éviter la guerre. Et Nasser a dû vraisemblablement considérer que décidément, il n'y avait pas la détermination à faire cette guerre en face. Sauf que il a été poussé à la faire, cette guerre, par Moshe Dayan, les autres généraux et une grande partie de la population qui, au mois de mai 67, était absolument effrayé. Tout à l'heure, vous avez évoqué la figure emblématique du ministre des Affaires étrangères, Abba Eban, qui d'ailleurs était une colombe également. Mmh. Abba Eban disait les frontières de 1948, donc de la première guerre israélo-arabe, ce sont les frontières d'Auschwitz. Vous rendez compte de ce que ça veut dire. Et d'un point de vue strictement géopolitique, c'était pas faux. Les frontières israéliennes jusqu'en 67 sont, sur le papier, du moins extrêmement défavorables. Autrement dit, je pense que Nasser, il a présumé de ses propres forces, il a présumé de la formation et des armes soviétiques qui n'étaient pas suffisamment abouties, il a présumé de la détermination de ses alliés jordaniens et surtout syriens à intervenir en cas de coup dur. Et il n'est même pas certain que Nasser voulait réellement faire la guerre. C'est ce que j'appelle la politique du bord du gouffre. C'est-à-dire qu'à l'époque, Nasser, il faut s'en souvenir, il était en proie à une crise sociale et politique interne, avec la montée en puissance des Ikhwan, donc les frères musulmans, qu'il détestait, et qui ont d'ailleurs tenté de le tuer en 66, et d'un parti communiste qui, à l'époque, est très fort en Égypte et dans l'ensemble du monde arabe. Donc, à ce moment-là, rien de tel pour un dictateur, et c'est comme ça depuis la nuit des temps, de pointer le doigt sur l'ennemi extérieur pour fédérer, tendre le ressort des énergies nationales, sauf qu'il est allé trop loin. Alors, inversement, le renseignement côté Israël, c'est Mossad. Et là, apparemment, c'est beaucoup plus performant. Est-ce que le Mossad est déjà performant comme il va l'être dans les années 70, 80? Ça va moins bien aujourd'hui. Oui, les Israéliens ont toujours beaucoup joué sur le renseignement. D'abord, ils en avaient les capacités, puisque beaucoup d'Israéliens provenaient des pays arabes et parlaient parfaitement l'arabe. Aucun arabe ne parlait parfaitement l'hébreu. Alors, pour faire de l'espionnage en Israël sans parler l'hébreu, c'est un petit peu compliqué. Ça, donc, il y avait cette possibilité-là. Ensuite, prenez la figure extrêmement emblématique d'un espion israélien, Eli Cohen, qui, jusqu'en 64, moment de son arrestation et de son exécution à Damas, en Syrie, réussit à devenir l'ami des très puissants et même un proche d'ailleurs du président de la République syrienne et à donner des informations qui en 67, pendant donc la guerre des six jours, donc 3 ans après son exécution, seront absolument essentielles sur le plan militaire pour Israël. Donc vous avez effectivement à la fois une capacité et une volonté israélienne qui d'ailleurs n'était pas, qui était essentielle. Il fallait faire du renseignement puisque vous n'aviez dans la région absolument aucun allié. Et vous l'avez bien dit, les Américains sont très loin. D'ailleurs, en 67, ils sont empêtrés au Vietnam. Et très franchement, Johnson, ça ne l'intéresse pas d'aider Israël. Quant à De Gaulle, il avait décidé que celui qui attaquait le premier serait le coupable. Et dans les années 60, vous savez, on est à un moment où la France vend beaucoup, et notamment des armements, pas seulement, mais beaucoup, à des États arabes qui sont de plus en plus nombreux, car devenus indépendants. Donc, si vous voulez, dans la balance, Israël pèse moins en 67 qu'il avait pesé en 57, à l'époque de Suez. Donc, il lui fallait un service de renseignement performant. Extrêmement performant, et il l'a été. Ce qui était le cas, évidemment. Ce qui était le cas en 67. C'est mythique, Mossad, à ce niveau-là. Alors, c'est mythique, vous dites que c'est moins le cas aujourd'hui, mais vous savez, ça a été moins le cas en 73, c'est-à-dire seulement 6 ans après la guerre des six jours. Parce que les premiers jours de la guerre dite d'octobre par les Arabes ou du Ramadan et dite guerre du Kippour, donc par les Israéliens et en Occident, ont été extrêmement durs. Et là, de ce point de vue-là, les renseignements militaires israéliens ont failli. Forcément, s'ils sont fait surprendre, c'est qu'il y a eu effectivement un problème à ce niveau-là. Frédéric Ancel, on se retrouve dans 3 minutes. On écoute Céleste. Little Runaway. Everybody got something, staring at the sky. I don't see nothing coming, thinking of my prayers. Maybe they were all misplaced. Good news I could use some. One man revolution. Hallelujah, take me to I don't believe, but I pretend. La guerre des six jours, dont nous parlons avec notre invité Frédéric Ancel, professeur de relations internationales, spécialiste du Proche-Orient. On va faire un catalogue des conséquences de cette guerre. Cette guerre a évidemment beaucoup de conséquences et beaucoup de résonances sur aujourd'hui. D'abord, pour Israël, conséquences majeures de cette guerre. Ah ben la conséquence majeure et immédiate, c'est que Israël n'est plus en état de survie. Sur le plan militaire, en 67, les nouvelles frontières sont si intéressantes d'un point de vue géographique qu'Israël ne se considère d'ailleurs plus en état de survie, encore une fois, sur le plan strictement militaire. Et d'ailleurs, c'est si vrai qu'en 73, on évoquait il y a un instant, donc la guerre du Kippour qui commence très mal, les trois premiers jours vont être extrêmement difficiles, mais vont quand même permettre à Israël, parce qu'Israël dispose de ces deux nouveaux glacis que sont respectivement le Sinaï et le plateau du Golan, de parfaitement résister et de finalement l'emporter. Donc ça, c'est une conséquence absolument majeure. La conséquence plus lointaine, elle est beaucoup plus politique. C'est-à-dire que avec la prise de possession de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, vous avez la prise de possession de plusieurs centaines de milliers de Palestiniens. Et par conséquent, la question palestinienne, qui avait été un peu mise sous le boisseau après 48, par l'annexion de l'essentiel des territoires dévolus à l'État de Palestine sur le plan de partage onusien de 47 par les États arabes. Et à partir du moment où ces États arabes, en tout cas dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, perdent ces territoires et qu'Israël les contrôle, politiquement, il lui revient de gérer ou de régler cette question. Et puis la question de Jérusalem aussi. Alors Jérusalem, alors ça c'est intéressant, parce que à Jérusalem on a un vrai paradoxe, parce que les Israéliens considèrent que Jérusalem a été libérée en 67, vous l'avez très bien dit, mais jusqu'à la veille, c'est-à-dire jusqu'au 6 juin 67, le gouvernement israélien demande à Hussein de Jordanie de ne pas entrer en guerre aux côtés de Nasser. Et un peu à la manière d'ailleurs des Syriens, Hussein de Jordanie pense pouvoir courir, secourir la victoire de son allié. Et du coup il perd tout. Mais les Israéliens jusqu'au dernier jour avaient tenté d'éviter une guerre avec la Jordanie. Autrement dit, ils s'évitaient la possibilité de conquérir ou de reconquérir la vieille ville avec le Kotel Amaravi, qui signifie le mur occidental, autrement dit le lieu le plus sacré du judaïsme. Et c'est un paradoxe intéressant. Ouais. Conséquences pour les Palestiniens, les populations palestiniennes. Alors les Palestiniens qui vivaient pour ce qui est de la bande de Gaza, sous la férule, et c'est bien une férule, donc vous avez rappelé le caractère dictatorial d'ailleurs, de l'Égypte depuis 48, pour la majorité des Palestiniens qui, eux, vivaient sous le contrôle, et même d'ailleurs en pleine souveraineté jordanienne depuis 48 et 49, on est totalement sidéré et prostré. Après tout, les États arabes avaient promis à ces gens-là qu'ils allaient pouvoir, entre guillemets, rentrer chez eux, puisque beaucoup étaient des réfugiés de ce qui était devenu l'État d'Israël, après la guerre de 48-49, et non seulement ils ne rentrent pas chez eux. Pour certains, ils sont obligés de franchir le Jourdain pour aller vers la Jordanie. Et pour les autres, ils voient débarquer une soldatesque qui n'est plus arabe, mais israélienne. Alors attention, un point important, les premières années vont être menées les politiques des ponts ouverts. C'est-à-dire que Moshe Dayan et les différents gouvernements israéliens vont considérer que ce n'est pas la peine de se mettre à dos cette population, sur laquelle d'ailleurs on ne maintiendra pas forcément sa souveraineté. Aujourd'hui, ça paraît extrêmement ancien, cette histoire, mais dans les premiers mois et même les premières années de contrôle ou d'occupation israélienne de ces territoires, comme vous voulez, il y avait tentative de différents gouvernements israéliens de négocier. Et là aussi, vous l'avez rappelé, les trois noms de Khartoum au Soudan, septembre 67, ça, si vous voulez, il y a eu un blocage arabe total et absolu jusqu'à la paix avec l'Égypte en 78. Donc les Palestiniens finalement vont vivre sur le plan socio-économique pas forcément plus mal, puisque le développement économique d'Israël va aussi les toucher avec un certain bénéfice, sauf qu'évidemment sur le plan politique, l'identité palestinienne frottée là cette fois-ci de manière extrêmement forte et immédiate à l'armée et à l'administration israélienne va déboucher sur deux intifadas. La première d'entre elles commence en décembre 87. Alors, 5 ans plus tard, la guerre, comme vous dites, du Kippour, ou d'octobre, quel est son sens ? Le sens de la guerre du Kippour est extrêmement intéressant et il est tout à fait différent de celui de 76. C'est pour ça que c'est intéressant. Ah oui, en 73, donc Nasser meurt en 70 d'une crise cardiaque et son successeur, qui est un général aussi, Anwar el-Sadat, il veut récupérer le Sinaï. Et pour récupérer le Sinaï, il sait que la guerre avec Israël ne suffira pas. Il sait parfaitement que les rapports de force ne sont toujours pas en sa faveur. Et là, il négocie en secret d'abord et ensuite ouvertement avec les Américains pour basculer dans le giron occidental, pour abandonner, en quelque sorte, et même trahir l'alliance avec Moscou en échange. de la pression américaine sur Israël pour récupérer le Sinaï. Et ce qui est intéressant d'un point de vue militaire, c'est que les premiers jours de la guerre du Kippour sont extrêmement violents, mais Nasser ne mène pas une guerre de massacre, et il ne mène même pas une guerre de reconquête. Il sait qu'il ne le peut pas. En revanche, il gagne la toute première bataille, c'est-à-dire le franchissement du canal de Suez, pour laver l'honneur perdu du monde arabe, et notamment de l'armée égyptienne qui, en 67, avait été littéralement ridicule. Et de ce point de vue-là, et c'est très important, notamment au Proche-Orient, hein, l'honneur, pas seulement dans cette région, et de ce point de vue-là, son successeur Sadat va pouvoir après cette défaite, mais qui quand même a été ponctuée d'une première victoire, va se retourner vers les Américains en leur disant, vous voyez, nous sommes capables de nous battre nous aussi. Et il le paraît de sa vie en septembre 81, assassiné par les frères musulmans. Exactement, par les islamistes. Et alors, un point, si vous le permettez, du côté syrien, en revanche, à l'époque, c'est Hafez al-Assad, donc le père de l'actuel Bachar, qui est au pouvoir. Lui, il cherche à reconquérir le Golan perdu, mais sans doute à aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que la manière dont la Syrie fait la guerre à Israël en 73 est infiniment plus cruelle, le sort des prisonniers est beaucoup plus cruel que la manière dont l'Égypte menait la guerre à Israël, parce que l'Égypte avait pour perspective la paix. Et d'ailleurs, l'appel sera signé seulement quelques années après, en 78. Et j'ai envie de dire, ce pauvre royaume hachémite, c'est-à-dire les Jordaniens, chaque fois qu'ils sont brinque-ballés dans le vent de l'histoire, un vent qui est terrible pour eux, terrible, parce que c'est peut-être le pays arabe qui entretient les meilleures relations, en tout cas les moins mauvaises, avec Israël, qui est obligé quand même d'être solidaire avec les autres pays arabes. C'est infernal, hein. Oui, c'est une position qui est extrêmement difficile. C'est la position du faible, en quelque sorte, hein, puisque la Jordanie a toujours incarné l'un des États arabes les plus faibles. Et il a toujours été extrêmement modéré avec Israël. D'ailleurs, Hussein de Jordanie, celui qui perd l'essentiel, le plus peuplé la plus peuplée de la partie de son royaume, à savoir la Cisjordanie en 67, avec quand même le troisième lieu saint de l'islam, effectivement, Jérusalem, Al-Quds, eh bien, c'est ce même roi Hussein qui accepte, de bonne grâce d'ailleurs, hein, de faire la paix avec Israël, en l'occurrence d'ailleurs avec Yitzhak Rabin, qui avait été chef d'état-major en 67. Bon, et aujourd'hui, la Jordanie est en paix avec Israël, même si c'est une paix froide. Et la Jordanie ne peut pas faire autrement que d'entretenir des relations relativement apaisées, en tout cas les moins conflictuelles possibles, avec tous ses voisins. Il y en a quatre, parce que ses voisins sont plus puissants et souvent plus turbulents que lui-même, c'est le moins qu'on puisse dire. Frédéric Ancel, sort aujourd'hui votre dernier livre dans la collection « Que sais-je ? Les 100 mots de la guerre ». Alors, comment vous avez choisi les 100 mots de la guerre ? Je les ai choisis de manière décalée. Je ne voulais pas que les lecteurs ne puissent obtenir que la stratégie, la tactique, le terrain, l'armement, etc. Il fallait que ce soit un peu décalé. Donc, il y a des couleurs, il y a des odeurs, il y a des souffrances, il y a des représentations liées aux soldats ou à ceux qui les envoient à la guerre. À la lettre C, puisque c'est évidemment sous forme d'abécédaire, vous avez l'entrée « connerie ». Évidemment, je cite, mais oui, évidemment, quelle connerie la guerre. Oui, mais est-ce que c'est véritablement une connerie dans toutes circonstances? Est-ce qu'en 39 c'était une connerie, etc. Donc j'ai essayé de partager avec le lecteur toute une série de sentiments, de questionnements sur ce que c'est que la guerre, sur le phénomène de la guerre, dont nous sommes, heureusement, nous autres, en France et en Europe occidentale, à peu près épargnés depuis seulement un tout petit laps de temps au regard de l'histoire de l'humanité, pourvu que ça dure. Mais pour que ça dure, le pacifisme n'est pas nécessairement le meilleur moyen et la meilleure solution. Frédéric Ancel, il me reste à vous remercier. Merci à vous. Pour toutes ces précisions. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la guerre des séjours, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter, franceinter.fr, pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Vuillet. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 22 septembre.